boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Bon gros classique pour commencer un pop and rock sur la très locale Radio Val-de-Rhin qui ce soir va mélanger les univers musicaux puisqu'à la New Wave des années 80 nous ajouterons les post-punk grand boton des Sleaford Mods sans oublier le rock puissant des Smashing Pumpkins mais restons pour le moment en Grande-Bretagne et après l'Irlande de U2 c'est en Écosse que nous courons rejoindre Jim Kerr, l'ex de Chrissie Hynde pour partager le Key the Ground des infatigables écossais de Simple Minds. Ah. kiss the ground. I kiss the ground. Nothing around. There is no hidden calm. The ground. Simple Minds, qui plus jamais ne réussira malheureusement à nous enflammer comme ce soir de 1985 dans une des salles du Médian, mais ça, c'est une autre histoire. Just like me. Yeah. Les Smashing n'ont pas réussi à vous réveiller, alors fonçons sur H Amphétamine pour DJ, non, pas celui de la radio, celui de la circo. Clones de H que je découvre quasi en même temps que vous, mais ne nous y attardons pas car notre pop and rock a encore beaucoup de petits trucs à partager. Retournons tout de suite dans l'Angleterre industrielle grise et noire, là où la bière chaude coule à flot, dans les pubs où nous retrouvons à présent nos potes des Slipher Mods. Je vous avais prévenu, nouveau changement d'univers musical. Those trainers aren't that actor. 20, 30 pairs, no

Sur RVR et rappelez-vous, on adore les oldies but goldies. Thank you. inimitable, pourtant imité Gimme Shelter, imité en effet il y a quelques années par les Sisters of Mercy. Allez gratter, allez chercher, vous aimerez peut-être leur cover. Mais d'imitation, point question, avec la doublette de U2 qui arrive. I know a boy called Crash. once. Well, thank you. U2 et son Party Girl capté en 1983 lors du live de Red Rocks Under Blue Red Sky, peut-être avec le Cure in Orange, le meilleur live rock de tous mes temps, mais pas le temps d'être dans la nostalgie, quoique le titre qui arrive va certainement rendre un poil nostalgique Nida. Allez, retour au 21e siècle avec les Strokes. Appartenez aux quelques auditeurs réguliers de Pop and Rock sur la trail locale Radio Val de Rhin, vous aurez peut-être noté que ce soir, point de nouveauté. Quelle perspicacité qui se confirme tout de suite avec à nouveau un vieux truc, un presque oldies but goldies que le Lillian de Depeche Mode. Les intemporels Depeche Mode qui, au contraire de Simple Minds, peuvent toujours enflammer des foules dans des lives encore capables aujourd'hui de créer des moments mémorables. Et en parlant d'enflammer, les fous français de La Phase avaient mis le feu il y a quelques années en première partie du Manichao près des volcans du Zénith auvergnat. Of the globe when the other saints fade and pretend to ignore. To the 500 lost dominators and kings, to the money and wealth in a white gold ring, to the new crusaders and the integrists, to the serial movie on the bullet screens, to the war providers, to the antichrist, to the devil holding the white bank in his hands. Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something buying a fire burning. Devil game, can't get you out of my head, a human born ready for killing. Devil game, ride the merry-go-round, something buying a fire burning. Something buying a fire burning, burning. One on the way of a garbage can burst, and the one who injected the devil in the pain, to the reason of state, to the chaos we left, to the future of safe at the African death, in the delirates of international law, when the legislators are the true criminals, when the worst is done in the name of God, and the devil claim on both sides of the globe. Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something buying a fire burning. Devil game, can't get you out of my head, a human born ready for killing. Devil game, ride the merry-go-round, something buying a fire burning. Devil game. When you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something buying a fire burning, burning. Something buying a fire burning. Devil game. Devil game. Niveau français, il y a aussi d'autres fous furieux aux noms sympathiques, et là, je pense à We Hate You Please Die, ouais, rien que ça, mais comme leur Coca-Cola, c'est bon, allez, montez le son. Yeah. change your life. Coca-Cola's gone back away. If you're trying to change your life, Coca-Cola. Allez, presque une heure passée ensemble, il est temps de nous quitter, mais pour vous donner envie de revenir ou pour se quitter, bons amis, je vous offre Memories of Miso de The Orgels. Passez une bonne semaine et rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.